ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon. Moi pour commencer, je bougeais les pieds un petit peu de tous les côtés. Mais pour commencer, ça n'est pas assez. C'est tout juste un bon pour couler. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant tu n'as pas pris de leçon. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant tu n'as pas pris de leçon. Moi la première fois, je bougeais les bras en avant et en arrière. Mais la première fois, ça ne suffit pas pour faire flotter son derrière. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon. Ça me met en rage de voir comme il nage à toute petite brasse. Quand je fais la planche, voilà que ça penche. Et c'est moi qui bois la tasse. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon. Mon ami le poisson fait de la natation. Pourtant il n'a pas pris de leçon.